Cependant, le courrier de Patagonie abordait l'orage, et Fabien renonçait à le contourner. Il l'estimait trop étendu, car la ligne d'éclair s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. Il tenterait de passer par-dessous, et, si l'affaire se présentait mal, se résoudrait au demi-tour. Il lut son altitude, 1 700 mètres. Il pesa des pommes sur les commandes pour commencer à la réduire. Le moteur vibra très fort et l'avion trembla. Fabien corrigea, au jugé, l'angle de descente, puis sur la carte, vérifia la hauteur des collines, 500 mètres. Pour conserver une marge, il naviguerait vers 700. Il sacrifiait son altitude, comme on joue une fortune. Fabien calculait ses chances. Il s'agissait d'un orage local, probablement, puisque très lève, la prochaine escale signalait un ciel trois quarts couvert. Il s'agissait de vivre 20 minutes à peine dans ce béton noir. Il déplia un papier, du radio. « Où sommes-nous ? » Fabien eût donné cher pour le savoir. Il répondit « Je ne sais pas. Nous traversons, à la boussole, un orage. » Il ne savait plus combien de temps, combien d'efforts le délivrerait de ces liens sombres. Il doutait presque d'en être jamais délivré, car il jouait sa vie sur ce petit papier, sale et chiffonné, qu'il avait déplié et lu 1000 fois pour bien nourrir son espérance. « Trelew, ciel trois quarts couvert, vent ouest faible. » Si Trelew était trois quarts couvert, on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages, à moins que... La pâle clarté, promise plus loin, l'engageait à poursuivre. Pourtant, comme il doutait, il griffonna pour la radio. « J'ignore si je pourrais passer. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. » La réponse le consterna. « Commodore signale, retour ici impossible, tempête. » Il commençait à deviner l'offensive insolite qui, de la cordillère des Andes, se rabattait vers la mer. Avant qu'il eût pu les atteindre, le cyclone raflerait les villes.